Asmala, BXL, FL Macrel, 2011, c'est là que tout commence. On est de ceux qui prenaient le train, qui foutaient la merde dans les wagons. K21, ça fume d'Azep comme des pieds bons. Petite veste, petite survêt Air Max comme peu bon. Petit sourire malhonnête de mauvais garçon. Putain les gars, faut faire du pif, faut faire l'illégal. Apparemment toi tu kiffes et tu dis qu'il est sale. T'inquiète pas, ouais, je sais de qui tu parles. Je comprends pas pourquoi t'es pas pris vu que les autres sont nulle part. Qu'ils aillent se travestir en légumes léopard. Moi je viens les avertir de ce que je prépare. Je vais jamais me poudrer le sinus. Je reste collé au bitume, je me prends, ouais, une piture. Ça devient une habitude, trop crade et l'attitude. Effet, l'eau, le pas plume, ça c'est le son qui tue. T'inquiète, là, la secousse, le cas, ça je te bouche. Un appétit de loup, une meute en guise de groupe. Pour elle, fais le tartou fou, du mal, j'ai le coup plou. Je râle quand même beaucoup, je redoute le mauvais coup. C'est rime, ouais, nous mène où, y'a pas de mêlé, mêlo. Le flow phénoménal, pour faire chier tous les autres aussi fous qu'un animaniaque. Pour les amis, je fracasse, ouais, j'ai toujours la niaque. On te l'a pas dit, bâtard. Fais péter la Jack Dan, ouais, j'suis sorti ce soir. Ça fait que j'acte sur WAM, eh, fais le petit lascar. J'compte pas m'arrêter, al freestyle monumental. Punchline, ouais, à 100 balles, pour rien, ouais, ça s'emballe. On est là, la la la, ça fait la ta ta ta. Ouais, dealer, on est ça, ouais, qui part tous en patte. J'gratte la feuille avec mon pic, j'te donne des rôles avec la weed. T'avais des flots, qu'est-ce qui t'arrive? T'as des niveaux, t'es inactif, t'as des photos, t'as le collectif. Il est pas gros, mais susceptible. Il est chaud et dyslexique, il a le flow et la technique. Dans ce domaine, on domine, on t'emmène dans nos vies. T'emmerdes dans nos rimes, spécimen trop rapide, phénomène incompris. Ouais, le ciel s'assombrit, pixel, c'est la pluie. Les problèmes, les soucis, touche pas à ma petite copine. Vous n'êtes que des petites copies, ouais, je perds, reste utopique. Ouais, c'est pas grave, c'est tant pis, parle pas sur les cas de ma clique. FL, le cataclysme, ce sont c'est de la barbarie. Tu peux dire que c'est pourri, j'en ai rien à foutre, je dis. J'mets la def, le ventre vide, j'fais chier le vendredi. En plus, le temps se refroidit, faut toujours visquer les flics. Ouais, toujours la même équipe, la couleur cadavérique. Des projets machiavéliques, ça kick sur une porte à chaud. L'aspect, je la trouve dans le col. Je veux du fric, je veux pas le trône. J'avocat le plus le trop. Mais sous le signe du taureau, de la punchline, c'est ce que t'auras. C'est du sale pente au blaireau. On est hal pour un bout time, c'est vélo. Si tu kiffes le 11, bouge la tête. Ne crois pas que le peu rat, easy coup ça paye. C'est la smala du rap sale, et oui, tout à fait. Ouais, son lâche, dédicace pour tous mes refrains.